Histoire de poils. Je suis bien sûr que vous ne me reconnaissez pas, dit l'homme qui venait de me serrer la main. Mon Dieu, monsieur, votre regard ne m'est pas inconnu, non plus que le timbre de votre voix, mais ma souvenance est dénuée de précision. Comment ? Vous ne vous rappelez pas ? Il y a 2 ans, à l'écluse Saint-Julien, quand vous veniez me voir avec Mirbeau. Cariste, lui-même ! Quantum mutatus ! Vous me trouvez changé ? Dame, vos cheveux, où sont-ils ? Eux, jadis si tumultueux. Et votre barbe, comment dirais-je, tant fluviale naguère ? Que diriez-vous donc si vous voyiez mon âme ? Vous devriez la faire peindre, votre âme, puisque si curieuse. Il y a des artistes pour ça maintenant. Ah oui, les peintres de l'âme, croyez-vous, hein ? C'est une bonne idée que ces messieurs ont eu de s'adonner à cette spécialité. Dire qu'on n'avait jamais pensé à ça avant eux. Moi, Mirbeau a dû vous le dire, je peins maintenant des têtes de vainqueurs sur les boîtes d'allumettes et de jolies petites bonnes femmes sur les émaux de Penlier. Oh, ça vaut mieux que d'aller au café. Mais dites-moi, Cariste, en quel gouffre s'engloutirent vos cheveux ? En quel abîme votre barbe ? Oh, c'est une étrange histoire que la disparition progressive de mon jadis opulent système pileux. Étrange et comique à la fois. Cariste, vous n'allez pas me raconter Champignol malgré lui. Ni malgré lui, ni malgré un autre, ni malgré personne. On ne doit rien faire malgré personne. Car si vous avez raison, les autres sont loin d'avoir tort. Votre bienveillance, charmante d'ailleurs, ne me dit pas le pourquoi de votre crâne tondu et de votre barbe rase aux joues. Cette aventure capillaire semble vous passionner tant et tant, mon ami, que je vais vous la dire. Oh, vous m'obligerez. Et Cariste me conta sa petite histoire. Quand il se fut aperçu de l'inanité de l'art pour l'art, quand il eut reconnu la pénible niaiserie d'essayer à figer sur des toiles la nature, la belle, radieuse, fraîche, éclatante nature, à la figer moyennant les fangeuses pattes des marchands de couleurs, quand il eut... Mais assez, ne dites pas de mal de la peinture, mon garçon. Alors, il se rangea et épousa la fille de son patron. Stratagème d'autant plus roublard qu'il n'avait pas de patron et que son patron n'avait pas de fille. La vérité, c'est qu'il épousa la fille du patron d'un autre. Cette jeune personne exigea de Cariste qu'il fît, avant l'hymen, couper ses cheveux et sa barbe et que sa garde-robe de désormais sortît de la belle jardinière ainsi que celle des gentlemen vraiment dignes de ce nom. Cariste s'engagea à tout ce qu'on voulut, mais le jour de la noce, il s'amena froidement, sans avoir perdu, aurait dit Gambetta, une pierre des forteresses de sa chevelure, ni un pouce de terrain de sa barbe. La demoiselle fit un nez et jura de se venger. Elle n'en eut pas le temps. 8 jours après son mariage, l'excellent Cariste rencontrait, place Pigalle, une ancienne petite bonne amie à lui, chez laquelle il montait prendre une tasse de thé, la tasse de thé du souvenir, exquise thé, et rappelant à Cariste d'ancien et si bon quart d'heure. Par malheur, la jeune personne au thé effleurait délicieusement le cherry blossom et des relents de ce parfum s'attardèrent en la barbe du peintre, révélateur incontestable. Le pauvre garçon s'aperçut de cette malencontrosité juste au bas de son escalier. D'un bond, oh, génie déclenché par l'angoisse, Cariste était chez un coiffeur et le priait de lui rogner 1 millimètre de sa barbe et chevelure. « Comme tu sens drôlement !» fit sa grincheuse et bourgeoise jeune épouse. « Ah !» fit d'un air dégagé l'adultère Cariste. « C'est probablement ce cochon de perruquier qui m'aura mis de l'odeur dans les douilles. Tu t'es fait couper les cheveux ?»« Un peu, tu vois. Ça n'est pas malheureux, enfin, que tu le décides. J'y retournerai demain, si tu veux. » Oh, tu me feras plaisir. Et après-demain ? Oh, de mieux en mieux. Et tous les jours ? Oh, bravo ! Cariste fit comme on l'incitait. Chaque jour, il alla chez son coiffeur se faire couper un tout petit bout de cheveux et de barbe. Mais, auparavant, la canaille, il montait chez son ancienne petite bonne amie, laquelle lui servait d'excellent thé et des baisers au cherry blossom. Seulement, ce pauvre Cariste est bien embêté aujourd'hui. Sa femme n'aime pas beaucoup les gens à trop longs cheveux, mais elle a horreur des types à cheveux courts. Alors, il trouve que La vie est bien compliquée, n'est-ce pas ? Trop de précautions nuit. Nous avions encore une grande demi-heure avant le départ du train. Il faisait chaud. Nous avions soif. La terrasse d'un café voisin nous tendait ses bras. Un garçon, plutôt dégoûtant, nous apporta deux verres de bière tiède, mais mal tirés. À côté de nous, un monsieur sirotait une absinthe. « Oh, l'imprudent !» fit mon ami Romarin d'un ton effrayé, me désignant le buveur. « Pourquoi, imprudent ? On ne sait jamais ce qu'on risque à boire une absinthe à la terrasse d'un café de province. Oh, tu m'épouvantes. Ainsi, moi, il m'est arrivé deux fois dans ma vie de boire en public une néfaste absinthe. La première fois, j'y perdis une admirable situation. Et la seconde ? La seconde fois, je manquais un mariage superbe. Mon pauvre ami, c'est comme j'ai l'honneur de le dire. Il y a quelques années, très fortement recommandé, j'avais obtenu, en province, une place absolument inespérée, et, je l'avoue, en disproportion avec mes faibles mérites. Je devais, le lendemain, entrer en fonction. La malencontreuse idée me vint de m'asseoir à une table extérieure d'un café de la ville et de m'y faire servir une absinthe. Mon futur directeur, passant par là, m'aperçut qui dégustait, non sans délice, la glauque liqueur. Il conclut de ce spectacle que j'étais un induré poivreau et me fit savoir, le jour même, sa volonté bien arrêtée de se passer de mes services. Oh, voilà qui est fort consternant, ma foi. Cette mésaventure me fit prendre en grippe le produit de Pernod, fils, et je demeurai longtemps sans en absorber la moindre goutte. Pourquoi n'ai-je point persisté dans cette belle attitude ? Oui, pourquoi ? L'année dernière, j'étais à deux doigts de l'hymen. Ma famille m'avait découvert, à Rambouillet, une jeune fille charmante qui me plaisait fort et dont la dot était rondelette. Le seul inconvénient à mes yeux résidait dans l'excessive pruderie du papa de la demoiselle. Imagine-toi que ce vieux serin ne m'accorda sa fille qu'après mon serment de n'avoir jamais connu de maîtresse. « Tu n'es pas dénué d'un certain culot, toi. Oh, pour ce que ça m'a servi. Enfin, tout allait bien quand, la veille du jour du contrat, j'eus la malheureuse, la diabolique idée de prendre une petite absinthe à une terrasse de café. Ton beau-père vint à passer, laisse-moi continuer. Je demandais donc une absinthe. Mais, me souvenant de ma première mésaventure, je demandais une absinthe blanche. Mon beau-père vint à passer, comme tu dis. Oh, la tête qu'il fit. Le soir même, je recevais de cet homme vertueux le conseil d'emprunter le train de Paris sans esprit de retour. Cet idiot, prenant mon absinthe blanche pour de l'orgeat, en avait tiré les conclusions que tu devines. Oh, tous ces gens vertueux sont de vieux saligots. Et la jeune fille, tu t'en consoles ? Aisément, elle s'est mariée depuis avec un garçon beaucoup mieux que moi, sous tous les rapports, et qu'elle fait cocu, à bras raccourcis. Indélicate façon de faire la connaissance d'un monsieur. La coïncidence des fêtes de la Pentecôte et du beau temps, un peu de vent peut-être, avait incité 1000 Parisiens, je dis 1000 pour éviter d'être taxés de bluffage, à se donner de l'air vers la plupart des points cardinaux. Les points cardinaux sont des points, bien entendu, rouges, placés là pour apporter un peu de diversion aux fameux points noirs que les conservateurs timorés, tels Paul le roi Beaulieu, aperçoivent, non sans frémir, à l'horizon. Dimanche, lundi et même un peu mardi, il y eut, au Havre, pour ne citer que ce port de mer, grande affluence de touristes arrivés de la capitale. Parmi ces derniers, citons un nommé Ovide Durarluire, rentier folichon, entre deux âges, et doué d'une séduisance plutôt contestable. Une jeune et délurée demoiselle accompagnait, sans enthousiasme d'ailleurs, ce birbe. Petite actrice dans un théâtre où l'on joue relâche, cet enfant tenait pour le moment, chez le dit Durarluire, l'emploi de grande amoureuse, rôle mal joué par elle, étant donné le partenaire. Mais si puissante est, en notre siècle, la force de l'or, que des actrices acceptent parfois, contre de l'argent, le sacrifice de leur corps adorable. Tel était le cas de notre héroïne. Quand j'aurais dit qu'elle portait le prénom, assez répandu en France, de Marie, j'en aurai fini avec le portrait physique et moral de cette mercenaire donzelle. Lundi, Ovid et Marie déjeunaient à Frascati, en face de la Grande Grise, comme Mézerois appellerait la Manche. Une grouillante cohue s'agitait en ce restaurant, à telle enseigne que, sur le coup de midi et demi, pas une table ne se trouvait libre. Juste à ce moment, un jeune gentleman se présenta. Et quand je dis un gentleman, ce n'est pas par ridicule manie d'exotisme, mais bien parce que le nouveau venu était un Anglais. S'il avait été un Espagnol, j'aurais dit un caballero. S'il avait été un Italien, j'aurais dit un signor, et ainsi de suite. Mais c'est un Anglais, alors je dis un gentleman. Et comme il n'a pas beaucoup plus de 20 ans, je dis un jeune gentleman. Je pourrais même dire a young gentleman, mais je ne suis pas payé pour écrire en anglais. Cette digression polyglotte m'a pris beaucoup de place, et je m'aperçois que s'il me reste 3 centimètres de papier sur 10 de large pour compter le reste de mon histoire, c'est tout le bout du monde. Soyons donc cursifs. Le jeune gentleman, sur leur consentement, s'assit à la table d'Ovide et de Marie. Il déploya, pour faire à cette dernière, oh, comme ce nom lui va bien, la dernière des dernières, des trésors de grâce, d'esprit et de générosité. Il était jeune, beau et riche. Marie n'hésita pas à plaquer son compatriote. Le soir même, le nouveau couple s'embarquait à bord du bateau de Southampton. Esselé, mélancolique, Durard Luire se promenait sur la jetée. Un clair de lune splendide, un steamboat superbe qui sort du port. Du steamboat, une voix forte vient qui crie, avec un accent fortement anglo-sardonique, « Ohé ! Durard Luire ! Ohé ! Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance !» Et le pauvre Durard Luire comprit bien qu'il fallait prendre le mot « connaissance » dans son acception la plus biblique, et le mot « fait » aussi. Un cérémonial fixé. Pour mon ami Comio. Entre les 1000 renseignements qu'on implore de moi chaque jour des 4 coins du monde entier et auxquels, à mon grand regret, le loisir me manque de répondre, une demande m'a particulièrement et à plusieurs reprises frappée. Peut-on, non sans décence, assister à une inhumation en tenue de cycliste et avec sa machine ? Après une longue, fatigante et minutieuse enquête, je suis en état de répondre. Et je réponds oui. De l'avis général recueilli sur 1123 points différents du globe, on peut assister aux inhumations en tenue de cycliste et avec sa machine, dessus ou à côté, selon l'allure du convoi. Dans presque toute l'Australie, dans la partie nord-ouest de la Nouvelle-Zélande, on manufacture des bicyclettes spécialement destinées à cet emploi. Ces machines sont rigoureusement noires, sauf les parties de métal composées exclusivement d'argent. Le pneu est fabriqué d'un caoutchouc blanc, comme on l'obtient facilement par la vulcanisation à la magnésie. La lanterne doit être allumée et voilée d'un crêpe. À San Francisco, on admet comme deuil la lanterne à verre violet, mais cette coutume ne semble pas devoir s'implanter aisément dans les autres États de l'Amérique du Nord. L'insigne porté ordinairement à la boutonnière ou à la casquette est sévèrement proscrit. Il doit être remplacé par une grosse larme en argent. Pour la tenue personnelle du cycliste, du noir bien entendu. Si le défunt ne faisait pas partie de votre famille, les bas en damier noir et blanc. À l'enterrement d'un cycleman des îles Auckland, auquel j'assistais, je fus particulièrement frappé d'un petit cérémonial que je verrai avec plaisir s'acclimater en France. De même qu'aux obsèques des militaires, les tambours voilés résonnent de N minute en N minute, de même, à ces funérailles, les assistants cyclistes agitaient tous ensemble leurs grelots à des intervalles déterminés. L'émotion ainsi obtenue est intense. Au cas où le cher disparu pédalait lui-même, de son vivant, bien entendu, on fait suivre son cercueil de sa machine entièrement voilée et tenue à la main par un fidèle serviteur ou un ami dévoué. Tous les folliculaires vendus aux vieux partis trouveront sans doute superflus et frivoles ces détails funèbres. Moi, je crois bien faire en fixant dès maintenant un cérémonial appelé, trop souvent hélas, à nous rappeler que les morts vont vite, même quand ils renoncent à la bicyclette. danger de la simultanéité, du surmenage cérébral et de la passion amoureuse. Une charmante jeune femme, artiste dans un petit music-hall du quartier Saint-François, au Havre, me montrait récemment un poulet d'amour qu'elle venait de recevoir d'un de ses adorateurs. Ce dernier, car nécessaire les suivants détails, est un jeune homme de fort bonne famille, mais dans une situation modeste et qui prépare ses examens d'admission dans je ne sais plus quelle carrière. Ces examens comportent une forte partie géographique et plus spécialement franco-géographique. Aussi, notre jeune ami passe-t-il des nuits entières à l'étude des départements de notre France adorée, de leurs chefs-lieux et de ceux aussi d'arrondissements et de cantons. Un abrutissement lui vint de cette trop constante application et ses amis eurent, un beau soir, l'idée de le distraire un peu, moyennant une soirée inaugurée dans les petits concerts dont pullule le Havre et terminée chez des filles du plus facile à bord. Ce fut dans l'une de ces petites boîtes à musique que notre jeune homme remarqua la charmante artiste mentionnée ci-dessus. Il s'en éprit soudainement. Rentré chez lui, garçon raisonnable, il essaya d'étouffer l'incendie qui commençait à flamber en son cœur. Inutilement. Sur son atlas, l'image de la belle s'interposait entre ses regards et la carte de France. L'étude des possessions françaises ne lui amena pas davantage l'oubli. Et le lendemain soir, il revint à la contemplation de la jolie chanteuse. C'en était fait. Toute lutte devenait vaine. Le pauvre garçon se décida bientôt à déclarer sa flamme, et voici un échantillon de l'étrange billet qu'il écrivit au cours d'une nuit de fièvre, après avoir cherché une dernière et inutile fois l'oubli dans l'étude de la géographie. « Mademoiselle, depuis que j'ai aperçu vos jolis yeux, Calvados, je ne vis plus, et mon rêve serait de vous arracher à la Seine inférieure, chef-lieu Rouen, où vous déployez tant de grâce, Alpes-Maritimes, et tant de talent, Doubs. Malheureusement, je ne possède pas la forte somme, chef-lieu Amiens. Consentirez-vous à manger avec moi la soupe et le bœuf, Seine inférieure, etc., etc. Pour vous, je me sens, Yonne, très capable de commettre un meurtre, mademoiselle, chef-lieu Nancy. M'autorisez-vous à vous voir, Doux. Voulez-vous que je vous cause, Charente inférieure? Et quand, Calvados, etc., etc. Quand j'eus terminé la lecture de cette douloureuse missive, je la remis silencieusement à sa piquante destinataire. « Ça ne vous fait pas rire ?» demanda la jolie sans-cœur. « Fichtre non, car j'estime que ce pauvre garçon est appelé, dans bien longtemps, à devenir fou allié, chef-lieu Moulins !»